on est là, on est là. Salut, est-ce salut. Que nous j'essaye là. De... Oui, ça marche. Donc le micro 4. On teste, c'est le classique test des micros du début. Bonjour. Salut la radio, salut tout le monde, salut Antoine, salut, salut Jeanne. Les auditeuristes qui sont nombreux, nombreuses. Ben, combien sans doute, combien d'auditeuristes aujourd'hui? Nous allons peut-être ou peut-être pas le savoir dans un instant. Il y a un record à battre. Ah, oulala, non, attends, et franchement, il y a de plus en plus de monde. Ah bon? Ça, c'est vraiment très, très impressionnant. J'ai vu 23 personnes. Oh là là. Trois nouveaux potes. Non, c'est mentir, c'est 15. Ah. Bah, c'est déjà pas mal. Bonjour à tous. Salut les 15. Salut les 15. Et ben aujourd'hui, on commence tout de suite. Donc, on vient d'entendre le partage d'écoute de Martin. Oh non, pardon. Martin. De Martin Kaltenecker. Et donc, on ouvre la radio avec tout de suite une interview. Et donc, l'interview de Christina Kubisch, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Merci beaucoup. C'est, donc, bonjour Christina. Bonjour.